Mademoiselle, s'il vous plaît. Je voudrais le 22 à Asnières. Mademoiselle. Hep. S'il vous plaît. Mademoiselle, vous voyez pas que je suis en train de fermer Toto, non? Pardon, excusez-moi. Non, c'est à votre guichet qu'il faut s'adresser pour téléphoner dans le bureau de poste. Mais pourquoi me répondez? Mademoiselle, vous n'êtes pas tout seul ici, non? Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais téléphoner. Je sais bien, j'ai écrit téléphone au-dessus de mon guichet. Moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais le 22 à Agnès. Allô? Dites donc, bonjour Georgette. Je t'ai reconnu à la voix, comment vas-tu? Ici c'est Madeleine. Ça va? Non, mon Dieu, ça va. Où c'est que t'as été dansé samedi? À la salle Wagram? Oh, moi j'y vais plus. Oh non, c'est ton snob. Et ta sœur? Elle est malade? Oh ben tant mieux. Elle est aux assurances sociales? Eh ben comme ça, elle pourra aller danser toute la semaine. Mais dis donc, pourquoi tu m'as appelé? Oh, c'est pas moi qui t'ai appelé. Oh, t'es folle, c'est toi qui. Ah, oh, peut-être bien, oui. Qu'est-ce que vous voulez, oulala? Le 22 à Asnières. Allô, tu me passeras le 22 à Asnières, hein? Au revoir, chérie, au revoir. Je t'envoie, moi, c'est assez, au revoir. Merci, madame. Ça va pas être tellement lent. J'étais avec mon vélo, là, j'ai travaillé comme j'étais précis, j'ai dit, tiens, je vais donner un coup de fil. Ça va m'avancer. Par contre, excusez-moi, mais monsieur, je sais pas quelle excuse pour vous, monsieur. C'est moi, excusez-moi de vous avoir bousculé, vous, hein. Mademoiselle, j'aimerais avoir une fois Liège, monsieur Vanderbroek. Vanderbroek. Si je mets. Monsieur Vanderbroek. Vanderbroek. 75. Vanderbroek. 75. Comment c'est que vous dites? 75. 75. Combien que c'est ça, 75? C'est 95 mois, hein? J'aimerais avoir le téléphone de monsieur Vanderbroek. Vanderbroek, 75 boulevard. Mais ça a quelque chose. Impossible de me souvenir de l'adresse. C'est pourtant pas carousel. Mais ça, je sais qu'il est charcutier. Pensez-vous que ce soit possible d'avoir, hein, connaissant sa profession? On va voir ça. Allô? Allô? Passez-moi Liège. Belgium. Le Liège, dedans, il faudra un vendeur. Comment il est votre vendeur? Il est broc ou vous? Il est broc. Alors on croit savoir qu'il est charcutier, c'est pas sûr, mais enfin on parle. Alors tu me le passes si tu l'as, hein? D'accord. Oui, t'as regardé les charcutiers, puis ça, il est vraiment. Déjà, Liège, cabine 3. Une chance, hein? Et mon agnère. Vous vous souvenez, ouais? Par l'enfant. Please. For San Francisco, 6307X7. Ça change un peu. Allô? Cabine radiophonique, oui? Pour San Francisco, en Pennsylvanie. Combien tu m'as dit? 6307. C'est ça, 6307 comme X7 à San Francisco. Yes, yes. Thank you very much. San Francisco, cabine 7. Et mon amière. C'est vrai, j'ai demandé le 22 à Agnières, c'est pas tellement loin, c'est à 2 km 10. Alors si vous aviez... Excusez-moi, monsieur. Bitte. Excuse me. Fräulein, bitte, sprechen Sie Deutsch? Ja. So, für Berlin. Herr Karl von Straße 2, Alexanderplatz. Mhm. Verstehen Sie? Ja. So, so, wie? Ja, so. Hallo? Passez-moi Berlin. Hallo, Berlin? Hier, Groß Paris. Ja, so. Bitte. 2 Alexanderplatz. 2 Alexanderplatz. Karl von Straße. Ja, so. Danke. So. Berlin. Kabine 5. Wie viel? 5. Dankeschön. Bitteschön. Auf Wiedersehen. Et mon annière. Je dis, ben, vous faites exprès ou quoi? Vous pourriez pas me passer New York? Faudrait savoir ce que vous voulez. D'un seul coup, j'ai dit, tiens, je veux New York. Alors, passez-moi New York. Non, non, New York, tout simplement. New York, cabine 1. Hello. Hello, New York. Dites donc, vous ne pourriez pas me passer le 22, Agnès?